bien le bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir. Et oui, un plaisir d'être là à chaque semaine, à vous offrir comme ça de l'excellente musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai de programmé pour vous? J'ai du Bois Joli, j'ai du Sirène et Matelot, Vichten également. On va entendre l'album la semaine, une autre bonne raison. C'est l'album de M. Daniel Gauguin. Je vous parle de cet album-là. On va entendre également du Sugar Crush, Jesse Lindsay. On va entendre aussi du Melissa Ouimet. J'ai en instrumental du Sean Ferguson, Louis Trudel. J'ai aussi de l'Ouest, Yvon Loisel, Pierre Prairie Como. Oui, Prairie Como. Deux nouvelles chansons de leur nouvel album. Je vous présente ça au cours de l'émission. Bien entendu, je vous reviens avec le bloc des Maritimes. Restez là. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens qui m'aident comme ça à rentrer chez vous et à vous offrir l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKGM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton, CHQC Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de diffuser l'émission et bien entendu, commentaires, suggestions ou même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Écoutez, on est au mois de juillet maintenant, bien sûr. Donc, le 1er juillet, c'est dans quelques jours. Et puis, juste vous dire comme ça que l'été, souvent, c'est les célébrations. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission spéciale sur TFO de la fête de la Saint-Jean avec plusieurs artistes à travers le Canada, dont Michel Rivard. Il y avait aussi Michel Campagne qui était là. Il y avait bien d'autres gens, Florent Volant et bien d'autres. Donc, c'était un superbe beau spectacle de belle musique. Et puis, j'ai pensé commencer notre bloc des Maritimes avec deux super souvenirs, justement, de fierté de l'Acadie. On voyait que Bois Joli, beau souvenir, Mon Acadie, et par la suite, c'est Roland et Johnny avec, si je ne me trompe pas, la première chanson thème du premier congrès mondial acadien qui était Acadie de nos cœurs. Mais pour l'instant, voici Mon Acadie, Bois Joli. Les chants de foin dans tous les coins ont la mémoire. Ils chantent à tous, je vous l'avoue, il faut le croire. La pensée d'hier, c'était misère en grande couleur. L'histoire du jour est une amour vient du cœur. Mon Acadie, toi si jolie, tu es si belle. Je pense à toi, chaque fois je me rappelle d'un vieil ancien

tes enfants viennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants viennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants viennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants viennent. Toujours un plaisir d'écouter cette chanson-là. Quoi, 97, 94, je me souviens plus trop. Le premier congrès mondial acadien, ça fait longtemps, mais c'est juste toujours aussi intéressant d'écouter cette pièce-là. Acadie de nos cœurs de Roland et Johnny, premier thème du premier congrès mondial acadien. Hein, comme je l'ai dit, c'est cette période-ci, là, l'été, c'est souvent les fêtes nationales. Bon, la fête de la Saint-Jean pour les francophones à travers le Canada, c'est le 24 juin. Le 1er juillet, c'est la fête du Canada ou du déménagement, bien sûr. Hein, si vous êtes au Québec, on déménage beaucoup le 1er juillet. Et aussi le 15 août, c'est la fête des Acadiens. Bref, toujours un plaisir de l'encourager et de parler de ces communautés-là. C'est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est mon chum, Danny Boudreau. Et oui, ce gars-là, là, hein, je cherchais pas le lapin Energizer. C'est Danny Boudreau. Hein? Vous ne le saviez pas, mais moi, je le sais. Parce qu'il y a toujours 3-4 projets. Puis c'est souvent des très bons projets. Comme là, il y a un projet avec Ronald Bourgeois, dont on va entendre une chanson « Tu cours après le temps ». De Danny Boudreau et Roland Bourgeois. Vraiment très intéressant comme pièce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis tombé cette semaine sur une mosuse de bonnes nouvelles. J'ai vu sur la page de Danny Boudreau que La Lune et le Soleil sera le prochain album de Danny Boudreau prévu pour l'automne 2020. Donc ça s'en vient bientôt. Et puis j'ai bien hâte d'entendre ça. Je suis sûr que ça va être super bon. Parce que tout ce que fait ce gars-là est vraiment génial. Donc, on va l'écouter avec M. Ronald Bourgeois. Tu cours après le temps. Après quoi, on va entendre une autre bonne chanson, un message dans une bouteille de la formation Sirène et Matelot. Mais pour l'instant, voici deux bons vieux chums qui font de l'excellente musique. Ronald Bourgeois, Danny Boudreau. Voici Tu cours après le temps. Ce que t'as perdu, surtout le jour quand tout aura disparu. Tu te retrouveras dans l'inconnu, à questionner tout ce en quoi tu avais cru. Le temps a passé sans te demander si tu pouvais prendre le temps. Le temps de rêver, le temps pour aimer. Voilà que tu cours après le vent. Tu cours après le temps. Et si tu tombes, tu te relèveras sans douleur. Comme après les hivers naissent les fleurs, une nouvelle vie commence chaque fois qu'une autre meurt. Le temps a passé sans te demander si tu pouvais prendre le temps. Le temps de rêver, le temps pour aimer, voilà tu cours. prendra le temps de tout quitter pour ce dernier voyage vers l'éternité. Dis-toi que cet amour que t'as semé sera l'héritage que tu vas leur laisser. Le temps a passé, le temps de rêver, le temps pour aimer, rien à regretter. Le temps a passé, le temps de rêver, le temps pour aimer, rien à regretter. Le temps a passé, le temps de rêver, le temps pour aimer, rien à regretter. Le temps a passé, rien à regretter. Tu ne cours plus après le vent. Tu ne cours plus après. Duo fort intéressant, Patricia Richard et aussi Lenny Galland. Ils forment le duo Sirène et Matelot. Ils ont lancé un album, je crois que c'est à l'automne dernier ou au printemps. Non, à l'automne dernier, ils ont lancé un album qui s'appelle Sirène et Matelot. Et c'est le troisième, je ne me trompe pas, c'est le troisième extrait qu'on nous propose de cet album-là. Excellent extrait. un message dans une bouteille. Et je vous invite à aller faire un tour sur Sirène et Matelot sur Facebook. Vous allez sûrement découvrir un bon duo. Et de toute façon, pour découvrir l'excellente musique franco-canadienne, bien, acadienne surtout, vous allez sur Plage. Donc, www.plage.net. Et vous aurez accès justement à l'album de Sirène et Matelot et tout autre album acadien. Donc, c'est vraiment génial. C'est magnifique. Et c'est deux artistes exceptionnels. On a connu Patricia Richard avec Ode à l'Acadie, entre autres, et Lenny Galland, que dire de Lenny Galland, qui vient lui aussi de l'île du Prince-Édouard. Que c'est un artiste qui, dans les deux langues, connaît un succès fou, et c'est toujours un plaisir de l'entendre chanter en français. Donc, très beau projet, Sirène et Matelot, allez mettre la main là-dessus. Justement, Sirène et Matelot vont être au spectacle, série de spectacles à Mont-Carmel, mais les spectacles Facebook Live. Ça aura lieu, ça, du 5 juillet, là, à partir du 5 juillet. Sirène et Matelot, il y a Josiane et Jacques Comeau qui étaient à la voix, qui vont être là. Il y a qui d'autre? Caroline Bernard et Rémi Arsenault. Il y a les Firefly, qui est un trio de violonistes. La personne de Louise Vautour, Samantha Robichaud et aussi Christine Melançon qui vont faire partie des frais, en tout cas de la série de spectacles. Et Vichtin le 12 juillet prochain. Donc, allez sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK, pour avoir tous les détails au sujet des spectacles Facebook Live qui à tous les dimanches à 19h. Sur le facebook.com/CDCPMC. Et vous allez avoir plusieurs artistes comme ça qui vont être en prestation le dimanche soir, 19h. Et puis, comme je disais, Vichtin qui vont être là le 12 juillet. Vichtin qui, les autres sont habitués d'être partout sur la planète. Malheureusement, ça doit être un peu tranquille pour eux. Est-ce qu'ils sont en train d'écrire un nouvel album? Qui sait? Mais c'est toujours un plaisir de faire tourner du Vichtin. Et comme je vous dis, si vous les aimez, allez faire un tour sur le Facebook de CDCPMC pour pouvoir les voir en spectacle le 12 juillet à 19h. C'est un dimanche. Et puis, on va justement se quitter avec une pièce de Vichtin, pièce titre de leur dernier album. Voici Horizon.